midi 55 minutes. Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française et la grande édition de ce dimanche 18 février 2018. Donc voici les principaux titres. L'effectif des femmes qui se sont à relais au rôle d'électeurs dépasse largement celui des hommes dans la province de Mwaro. À plus de 151 000 inscrits, les femmes sont à plus de 86 000. Et le 18 février de chaque année, c'est la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève. La Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, déplore qu'au Burundi, des fois, l'employeur n'accorde pas ce privilège à son employé lésé. Et certains habitants de la capitale Bujumbura trouvent inhabituel l'état de la chaleur ces jours-ci, alors qu'ils craignent d'attraper des maladies. Le gériatre Willy Gattore donne un conseil d'augmenter la ration quotidienne à nous pour éviter des maladies rénales, plus particulièrement chez les enfants et des personnes âgées. Voilà pour le sommaire. François Akimana sur la mise en onde. À la présentation, vous retrouvez Placide Niyomongé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. Plus de 151 000 personnes de la province de Mwaro se sont fait enrôler pour participer aux élections prochaines, dont le référendum. Selon les données fournies par la commission électorale provinciale indépendante à Mwaro, la commune qui vient en premier lieu avec un nombre élevé des inscrits et Nyabihanga qui a plus de 32 000 personnes. Le point avec Laurent Dikouli. Selon les données que nous devons de la CPI en province Mwaro, les personnes qui se sont faites inscrire pour participer au référendum prochain sur le projet de la Constitution sont au nombre de 151 387 personnes. Le nombre de centres d'inscription était au nombre de 142 sur toutes les 131 collines que compte la province Mwaro. La commune de cette province qui enregistre plus de personnes qui se sont faites enrôler est celle de Nyabihanga. Ici, il y a 32 320 personnes inscrites pour participer aux échéances électorales prochaines. Cette commune est suivie par Sedondava, où 31 056 personnes se sont faites enrôler jusqu'au samedi 17 février à 17h30. La commune, on remarque peu de personnes qui se sont faites inscrire. Et celle de Gisozi, qui enregistre 14 835 personnes, selon toujours les données que nous devons de la CEPI en province Mwaro. D'après les mêmes données, le nombre de femmes qui se sont faites enrôler est plus élevé que celui des hommes. Le nombre de femmes inscrites dépasse 86 000 personnes, tandis que celui des hommes dépasse 64 000. Au moment où les informations provenant de certains chefs-lieux des communes de cette province indiquaient que, jusqu'au soir de ce samedi, il y avait encore des gens qui cherchaient la carte nationale d'identité, Deoma Niambona, président de la CEPI à Mwaro, dit que l'opération d'enrôlement s'est bien passée d'une manière générale. Il précise que l'effectif des personnes inscrites cette année dépasse celui des personnes qui s'étaient faites inscrire en 2015, où il y avait plus de 110 000 personnes inscrites. De Mwaro, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Merci Laurent Dikouli. Et tout travailleur a le droit de grève au cas où il est lésé ou au cas où il revendique l'amélioration des conditions de travail. Cela est dit par le vice-président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. C'est au moment où, ce 18 février, selon la Journée mondiale d'action en faveur du droit de grève, Célestin Savimana a indiqué que le Code du travail et la Constitution burundaise accordent ce droit de grève à tout employé. C'est une journée qui donne droit aux travailleurs, toutes catégories confondues, pour leur droit à la grève. Le droit à la grève, c'est un droit consacré par les lois nationales ici au Burundi, par le Code du travail, le statut général des fonctionnaires, et au niveau international par la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. Donc c'est un droit reconnu aussi par la Constitution de la République du Burundi qui parle que le droit de grève est reconnu au Burundi. C'est bien précisé dans la Constitution de la République du Burundi. Donc c'est un droit consacré. Alors, la grève n'est pas une fin en soi. Donc le droit de grève reste en dernier recours lorsque toutes les options sont épuisées. D'abord, il faut négocier avec l'employeur, il faut négocier avec le partenaire. Parfois, alors, vous pouvez trouver que le partenaire est parfois de mauvaise foi ou ne veut pas respecter les conventions que vous avez signées avec lui ou ne veut pas ceci en violation de la loi. C'est là où les travailleurs ont recours à la grève pour amener le partenaire ou l'employeur à de meilleurs sentiments pour continuer la négociation. Donc, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de contrainte pour amener l'autre partie à négocier. Et le vice-président de la COSIBOU souligne cependant qu'il arrive que l'employeur n'accorde pas ce privilège à son employé. Il arrive même deux fois que l'employé soit licencié, ajoute-t-il. Sébastien Savimana revient sur le cas survenu au sein de la société sucrière de Mosso où les grévistes ont été chassés encore une fois. Sébastien Savimana. Parfois, certains employeurs ne veulent pas le respecter et veulent faire des représailles contre des travailleurs qui ont exercé leurs droits de grève. Je vous donnerai un cas bien précis. L'entreprise de Sosimori, je pense, 5 ou 6 ans, et il y avait une grève, le comité syndical et a été chassé injustement. Ils sont allés dans les juridictions, notamment au niveau du tribunal du travail. Ils ont eu gain de cause et ils ont été réintégrés dans le travail. Donc, certains employeurs ne veulent pas que ce droit soit exercé. Mais le droit est reconnu, comme je t'ai dit, dans la Constitution. Donc, si c'est dans les lois nationales et internationales, au Burundi, on doit être les premiers à le respecter. Aux employeurs et à tout le monde, notamment en premier lieu, le gouvernement fait respecter la loi. Et que peut-être on continue à négocier, on évite d'aller à la grève. C'est pourquoi nous privilégions le dialogue social. Nous sommes dit, nous avons signé entre les partenaires, les employés et les travailleurs, une charte nationale de dialogue social. Et cette charte a en particulier le comité national de dialogue social. Nous souhaitons que tous les conflits de travail, que ce soit individuel ou collectif, se terminent par la négociation. C'était Célestin Savimana, il est le vice-président de la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBOU. Et les travaux du premier barrage hydroélectrique parmi ceux qui sont en cours de construction au Burundi peuvent être achevés en 2019, présentant les réalisations du ministère de l'énergie et des mines de l'année 2017. C'était au cours de cette semaine. Le ministre Kome Manirakiza a indiqué que le courant électrique qui sera produit viendra compléter les 30 MW donnés par les groupes électrogènes. Toutefois, ajouté comme Manirakiza, la distribution du courant électrique aujourd'hui est gênée par le câblage vétiste. Suivez le ministre comme Manirakiza dans une traduction en langue française d'Evariste Nzikobanyan. Vous voyez qu'il y a une amélioration dans la distribution du courant électrique. Nous avons une production de 30 MW grâce aux groupes électrogènes, en plus de la production qu'on avait. Le défi majeur est lié au câblage vétuste, ce qui occasionne le non-éclairage éventuel de certains coins. Mais on se penche sur ce cas pour une réhabilitation de ce câblage. En plus, il y a des barrages hydroélectriques en cours de construction. Peut-être que vous vous demandez à quand la fin des travaux de construction pour remplacer ces générateurs. Je pense que l'important n'est pas d'éteindre ces groupes électrogènes, mais plutôt augmenter la production de l'électricité et les usagers pour le bien-être et le développement du pays. Si on évalue l'état d'avancement alors de ces travaux, il est prévu que la construction du barrage de Rusumo en cours se termine vers la fin de l'année 2019. Puis, sur Gigi et Mouremge, nous souhaitons que ça débute au cours de cette année, mais ces travaux s'étendent sur 3 ans. Vous comprenez qu'ils seront clôturés en 2021. Après, il y a le barrage Kabousez. Les travaux ont débuté au cours de mai dernier pour un délai de 3 ans. Vous entendez que les travaux de construction prendront fin vers le mois de mai 2020. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h04 sur Isanganilo, le journal se poursuit. Certains habitants de la capitale Bujumbura trouvent inhabituel l'état du soleil et de la chaleur observée ces jours-ci. Ceux qui se sont exprimés sur le micro-trottoir de la radio Isanganilo disent avoir peur qu'une telle chaleur peut être une cause des maladies. C'est trop accablant. Depuis 8h du matin, ça faisait très chaud. nous restons à la maison. C'est même pour la nuit. C'est la première fois, même pendant la saison sèche, ce n'est pas de manière. C'est la toute première fois que nous vivons sous le soleil accablant de cette manière et surtout pendant cette période. Normalement, c'est la période de pluie. Nous pensons que c'est lié au changement climatique. Si on essaie de voir, on constate que le climat a changé. Il y a beaucoup de chaleur. Et les personnes devraient boire beaucoup d'eau quand ils se remarquent une montée de chaleur ou de température. Cela est dit par Dr Willy Gatole, gériatre. Ce spécialiste des maladies des personnes âgées indique que les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables face à la montée de chaleur et qu'il faut augmenter leur ration quotidienne en eau en vue d'éviter des maladies rénales. Suivez Dr Willy Gatole au micro de notre consoeur Alida Ndaiket. Tout le monde est invité à prendre conscience d'abord qu'il y a une forte montée de chaleur. Avec ça aussi, il y a beaucoup de rayons de soleil faisant que ces ultraviolets abîment notre visibilité. Tout le monde est invité à augmenter d'abord sa ration journalière de prise d'eau ainsi que porter des lunettes de soleil. Pour toute la population qui va qu'à les occupations normales, on est invité à prendre 2 litres d'eau pour les adultes et 1 litre d'eau pour les enfants. Mais pour ceux qui font des travaux de force, ceux qui font des activités sportives de plein air, cette catégorie de la population est invitée à prendre 2 litres et demi d'eau. Pour ces périodes de montée de chaleur, tout le monde est invité à augmenter 1 litre d'eau par rapport à la ration journalière normale. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables dans cette situation? Les personnes âgées, commençant par 55 ans et plus, ainsi que les enfants de moins de 5 ans. Les enfants, parce qu'ils font beaucoup d'activités, ils transpirent énormément, tandis que les personnes âgées retiennent moins d'eau dans leur organisme, faisant qu'ils ont tout le temps besoin d'un apport constant d'eau. Est-ce qu'il peut y avoir une conséquence quand on n'a pas pris beaucoup d'eau? La conséquence première est une déshydratation, entraînant le plus simplement du monde une nervosité, des pertes de connaissances, des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques. Si ces problèmes-là persistent, les gens peuvent en mourir. C'était Dr Willy Gatto, le gériatre au micro de notre consoeur Alida Ndaikeza. Et face à cette montée de chaleur, la Radio Sanganiro n'a pas pu joindre l'Institut géographique du Burundi, Djebou, pour donner la cause de cette montée de chaleur. Et pour clore cette édition, les urgences médicales et chirurgicales sont prises en charge au Burundi à 2 degrés différents. Cela a été dit par Dr Liliane Nguengurutse lors d'une journée médicale organisée par l'hôpital Kida. C'était vendredi. Il indique que certains défis s'observent, dont la persistance des ressources humaines en qualité et en quantité. Suivez. On dirait que les urgences médico-chirurgicales sont prises en charge au Burundi à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, mais à 2 degrés différents. Cependant, les défis restent à relever, surtout en ce qui concerne le plateau technique complet pour leur prise en charge. Concernant le pilier des ressources humaines, comme point fort, il y a intégration dans la prise en charge de la plupart des urgences médicales dans le curricula de formation de base de médecine générale, plus ou moins. Et comme défi, il y a persistance toujours d'insuffisance des ressources humaines en qualité et en quantité. On voit aussi que la chirurgie dans les hôpitaux de district est pratiquée par des médecins généralistes insuffisamment préparés pour la formation initiale, jeunes et peu expérimentés et formés sur l'état. Parce que jusqu'à maintenant, les médecins généralistes qui opèrent actuellement au niveau des districts sanitaires, souvent ils ne sont pas formés sur la chirurgie de district. Ils sont formés sur l'état par leurs collègues. La qualité là n'est pas très bien assurée. Les infirmiers anesthésistes n'ont pas de stage en unité de réanimation et n'assurent pas le suivi post-opératoire comme on le voudrait. On préconise des ambulances par district, mais souvent on y trouve un, parfois qui n'est pas même très bien fonctionnel. On préconise la formation du personnel des hôpitaux de district sur la chirurgie des deux districts. On préconise de faire aussi une formation de spécialistes au niveau local, je pense qu'il a déjà commencé. Et aussi l'actualisation des normes sanitaires, parce que les normes sanitaires qu'on a jusqu'à maintenant, ce sont les normes sanitaires 2011-2015. C'était Dr Liliane Nguengurutse, elle était consultante lors de la journée médicale organisée par l'hôpital Kira Hospital. C'était vendredi, fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, Je vous rappelle que l'effectif des femmes qui se sont fait enrôler dépasse largement celui des hommes dans la province de Mwaro. À plus de 151 000 inscrits, les femmes sont à plus de 86 000. Et le 18 février de chaque année, c'est la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève. Et la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, déplore qu'au Burundi, des fois, l'employeur n'accorde pas ce privilège à son employé lésé jusqu'à le licencier. Et certains habitants de la capitale Bujumbura trouvent inhabituel l'état de montée de la chaleur ces jours-ci, alors qu'ils craignent d'attraper des maladies. Dès le gériatre Willy Gatole donne un conseil d'augmenter la ration quotidienne en eau pour éviter des maladies rénales, plus particulièrement chez les enfants et les personnes âgées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimala pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne journée dominicale à tous. Au revoir.